Tiens, ta pendule s'est arrêtée, Rogojin. En effet. Et au moment où je te disais que Nastasia Philipovna m'avait promis de se marier avec moi. Or, une semaine plus tard, elle s'est enfuie de nouveau. Mais elle finira par m'épouser, parole de Rogojin. Sans moi, elle se sera jetée à l'eau depuis longtemps. Je te dis la vérité. Si elle ne s'y est pas jetée jusqu'à présent, c'est que je suis pour elle plus effrayant que l'eau. Vois-tu, prince? Elle m'épousera. Comment dire? Par méchanceté. Oui, uniquement par méchanceté. Pour se venger d'elle-même. Comprends-tu la situation maintenant? Mais toi, Rogojin, comment peux-tu? Comment oses-tu? Achève ta phrase, prince. Veux-tu que je te dise ce que tu penses en ce moment? Non. Tu te bouches les oreilles? Ça ne fait rien, je te le dirai quand même. Tu penses? Comment peut-elle se marier avec lui? Et comment Rogojin accepte-t-il qu'elle le fasse? Sachant que ce mariage est un acte de désespoir et sa perdition. Eh bien, j'accepte parce que, hors de ce mariage, il n'y a rien à quoi elle peut s'accrocher. C'est un vide terrible. Oh. Mais en voilà assez, prince. Parlons d'autre chose. Plus je te regarde, plus je pense que tu es malade. Tu exagères tout. Tu te complais dans la violence et tu te pavanes devant toi-même. Tu crois? Oh, c'est possible. La violence nous attire tous, non? Quant à nous pavaner devant nous-mêmes, nous faisons toujours avec un grand plaisir. Laisse ce couteau, prince. Tu coupes les pages avec ce couteau? Oui. Les pages. Que veux-tu que je fasse d'autre? Évidemment. Mais c'est un couteau de boucher. Ou d'assassin. Oui, de boucher, prince. Ne peut-on pas couper les pages avec un couteau de boucher? Mais il est neuf. Ou presque. Et alors? J'ai bien le droit de m'acheter un couteau. Oh, comme nous voilà mal partis, Rogojin. Ce n'est pas du tout ce que je voulais te demander. Excuse-moi, je me sens tout à coup très fatigué. Oui, tu as mauvaise mine, c'est vrai. Tu devrais te soigner. Oui, ma tête est lourde, Rogojin. Devant mes yeux défilent des images terribles. Il en est toujours ainsi lorsque je vais avoir une attaque. Bon, il vaut mieux que je m'en aille. Adieu. Mais comment sortir de chez toi? J'ai oublié le chemin. Viens par ici, je te montrerai. Nous passâmes de nouveau par les chambres que j'avais déjà traversées. Parfaine Rogojin marchait un peu en avant, moi je le suivais. Il s'arrêta brusquement devant un tableau accroché au mur de la dernière pièce. Ce tableau représentait la descente de croix. Écoute, prince. Il y a longtemps que je veux te demander si tu crois en Dieu. Et pourquoi veux-tu savoir si je crois en Dieu? Pour rien. Comme ça. À présent, beaucoup d'hommes ne croient plus. À ce qu'on dit, c'est en Russie qu'il y a plus d'athées. Tu as vécu dans d'autres pays? Dis-moi si c'est exact. Non, je ne crois pas. Au contraire, je pense que le peuple russe est le peuple le plus croyant de la Terre. Ah, tu as peut-être raison. Rogojin redevint muet et sombre. Nous atteignîmes le perron. Je lui tendis la main pour prendre congé de lui. Il l'ignora. Puis tout à coup... As-tu une croix, prince? Oui. Donne-la-moi. Pourquoi? Elle est simple et sans valeur. Je l'ai reçue de ma nourrice. Je vais la mettre à mon cou. Et je te donnerai la mienne. Ah, tu veux que nous échangeons nos croix, Rogojin? S'il en est ainsi, j'en suis heureux. Soyons frères, Parfen. J'ôtai ma croix d'argent. Rogojin ôta sa croix d'or. Et nous les échangeâmes. Et maintenant, viens, prince. Je vais te présenter à ma mère. Elle est retombée un peu en enfance, mais elle est bonne. Même charitable. « Seigneur, priez pour nous. Seigneur, priez pour nous. Seigneur, j'ai confiance en vous. Écoutez, mère, s'il vous plaît. J'ai quelque chose à vous demander. Pardonnez nos péchés. Ne pouvez-vous pas abandonner Dieu une minute pour les hommes? Ils ont certainement plus besoin de votre sollicitude que lui. C'est mon grand ami, mère. Le prince Léon Nikolaïvitch Mishkin. Il m'a obligé plus d'une fois. Et nous avons échangé nos croix. Bénissez-le. Comme vous me béniriez. Attendez. Je vais guider votre main. Mais avant que Rogojine eût le temps d'intervenir, la petite vieille leva sa main droite, joignit trois doigts et me bénit à trois reprises d'un air pieux. Ensuite, elle se détourna de nous et se remit à réciter des prières. Saint-Esprit, ainsi soit-il. Ayez pitié de nous, Seigneur. Maintenant, allons-nous-en, prince. Je ne t'ai conduit ici que pour cela. Elle ne comprend rien de ce qu'on lui dit au fin, de ne pas comprendre. Mais si elle t'a béni, c'est qu'elle a bien voulu le faire. Voilà. À présent, il est temps pour toi comme pour moi de nous séparer. Oui. Mais permets-moi auparavant de t'embrasser, Rogojine. À quoi bon nous embrasser, prince? C'est là encore une coutume qui se meurt. Et pour cause. Depuis le fameux baiser de Judas, les hommes ne se sont embrassés que pour mieux se trahir. La figure de Parfen Rogojine changea soudain. Il pâlit affreusement, ses lèvres tremblèrent. J'eus peur un moment qu'il ne se jetât sur moi et ne m'étrangla. Au lieu de cela, il m'attira doucement vers lui, m'étreignit avec force, et dit dans un souffle : Prends-la. Prends Anastasia, puisque le sort le veut. Elle est à toi, je te la cède. Et souviens-toi parfois de Rogojine. Au revoir, prince. Que Dieu soit avec vous deux. Si Dieu existe vraiment. Au revoir. Il me poussa dehors sans plus me regarder et rentra précipitamment chez lui. Je demeurai un long moment près de la porte fermée, le cœur lourd. Puis j'avançai droit devant moi, ne sachant pas où aller ni comment cacher mon désarroi et mon chagrin. C'était « L'idiot », un feuilleton de Georges Govy inspiré de Dostoïevski, avec Pierre Vanek, le prince Mishkin, Suzy Jaspar, Madame Rogojine, et Marcel Bozufi, Parfen Rogojine. Musique d'Edgar Cosma. Production réalisée dans les studios de la RTF à Nice par Yves Dariet, avec la collaboration de Jacques-Élie Moreau et le concours de la troupe dramatique régionale.